m'a dit si tu me quittes, je pars avec toi. Pars avec moi, pars avec moi. Elle m'a dit si tu me quittes, je pars avec toi. Pars avec moi, pars avec moi. Peut-être que l'on n'évolue plus depuis les Sumériens. Peut-être que l'on est trop lugubre, on a vu qu'on assumait rien. Peut-être que l'époque veut ça, je n'ai que des pensées confuses. Vu qu'on nous juge au peu ça, vu qu'on dépense et qu'on fume. Elle avait les hanches qui m'empêchent d'y penser. Un visage d'ange avec un penchant pour le péché. Les effets d'une drogue et le parfum d'un poison. Le goût d'une boisson au fruit de la passion. Chaque fois au lieu de discuter, on se disputait. Encore une beauté grise de plus à cause de qui tu sais. Je me souviens de nous et de toutes ces manies. Le matin où je suis parti, écoute ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit si tu me quittes, je pars avec toi. Pars avec moi, pars avec moi. Elle m'a dit si tu me quittes, je pars avec toi. Pars avec moi, pars avec moi. Peut-être qu'on est allé trop loin, peut-être qu'on est allé trop là. Peut-être qu'on est taré, toi et moi. Le ciel est gris, le métal est froid. Nos tentantes étaient tendantes, si et souvent tendancieuses. Tu voulais tout le temps danser, comment voulais-tu que je t'attende aussi? On s'allumait des clopes seulement, après nos ébats comme si l'on voulait se récompenser. J'aimerais qu'on pense à ce manque que l'amour devrait compenser. Les hommes pleurent en cachette, et ça je ne peux m'en cacher. L'amour c'est la guerre, pour ça que j'ai peur de m'engager. Mais d'où me vient ce putain de besoin de vesqui? Je me dévoile et mets les voiles sans m'investir. Que me reste-t-il? Des relations d'amoureux devenues des vestiges. Mais d'où me vient ce putain de besoin de vesqui? Je me dévoile et mets les voiles sans m'investir. Que me reste-t-il? Des relations d'amoureux devenues des vestiges. Rien à battre de comment elle s'appelle, yeah, yeah. Je voulais juste la désaper, yeah, yeah. Je l'ai laissée faire sa belle, en sachant qu'elle ne pourrait jamais m'échapper. Mais elle m'a dit si tu me quittes, je pars avec toi. Si tu me quittes, je pars avec toi. J'étais persuadé que c'était la bonne. Rapidement on se mettait d'accord. Entre nous deux ça pétait la forme. Elle s'accrochait pour rester à port. Yeah, yeah. Elle est toujours archi bonne. J'ai passé des heures au tel dans le taxi phone. J'ai jamais senti mon cœur battre si fort. Venez, venez voir la ville est belle. Mais de loin même les vieux rêvent de revenir à la belle époque. Faut lever les voiles évidemment. Les valeurs redeviennent nulles comme le bénéfice d'un bénévole. Venez, venez voir la ville est belle. Mais de loin même les vieux rêvent de revenir à la belle époque. Faut lever les voiles évidemment. Les valeurs redeviennent nulles comme le bénéfice d'un bénévole. Elle m'a dit si tu me quittes, je pars avec toi. Pars avec moi, pars avec moi. Elle m'a dit si tu me quittes, je pars avec toi. Pars avec moi, pars avec moi. Trop de paramètres, je dois faire ce caramel. Elle m'a dit c'est pas la peine de me quitter, je pars avec toi. Trop de paramètres, je dois faire ce caramel. Elle m'a dit c'est pas la peine de me quitter, je pars avec toi.